mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Charlie Couture disait, et dit toujours sans doute, comment ça va vous autres en passant? Très bien. Vous voyez qu'il y a des mécanismes d'ouverture qui se répètent à chaque semaine. J'ai des stratégies, ben, peut-être pas des stratégies, mais j'ai des répétitions, parce qu'il y a des stratégies, là, ça se répète normalement pas. Mais sentez-vous la redondance? Légèrement. Vous êtes trop gentil pour dire oui. Bon, vous êtes merveilleux, je vous embrasse. Alors, Charles Lécouture dit qu'il y a trois sortes de chansons. Des chansons pour la tête, pour le cœur et pour les pieds. Ce que nous avons entendu, c'était une chanson pour le cœur. Un incontournable. Je sais que ça fait vieux jeu, que ça fait vieille pétoche. Hein, t'as de la musique vieille pétoche? Connais-tu Féloche? T'es un chanteur, Féloche. Moi, on me floche régulièrement, là. On m'envoie promener. Va-t'en jouer dans le trafic, là. Quand on dit ça à quelqu'un, va-t'en jouer dans le trafic, on souhaite sa mort. On souhaite son déséquilibre, histoire de le voir trépasser. C'est ignoble, va jouer dans le trafic. Va jouer dans le trafic toi-même. Gaétane Rosette. Reine au foyer, même pas de capuche de reine, pas rien de reine, c'est une reine entre les deux oreilles, mais encore là, c'est elle qui se qualifie ainsi. On l'appelle entre nous la vieille pitoune. Il y a beaucoup de monde qui se l'ont roulé. Soit dans la bouche, partout. Elle a passé partout, elle. Il y a juste, encore là, il y a juste les trains qui n'ont pas passé dessus. Encore une autre expression, il y a juste les trains qui n'ont pas passé dessus. Heureusement, elle sera en plusieurs parties. Comme ça, elle pourrait se distribuer et partager ainsi l'amour. Comme un ver de terre. Quand vous coupez un ver de terre, vous savez les ver de terre? Vous ne connaissez pas ça, des ver de terre? Ça sort de la terre. C'est long, c'est ça n'a pas de ça a pas de constance, ça se tient pas là, ça a pas de pin dorsale, ça là. C'est un invertébré, ça fait partie de la famille des invertébrés. Comme certains ministres, on les nommera pas. Mais on vient d'en voir quelques-uns s'illuminer devant nous là, hein. Même nos prochains, regarde-moi là, l'invertébré, mais pas capable de prendre des décisions, mets tes culottes. Mettre ses culottes. Moi, je ne les mettrais pas s'ils sont souillés, ces pantalons-là. Notre expression, je suis parti là-dessus, là. Laver son linge sale en famille. Pourquoi pas avec vous, mes amis? Lavons notre linge sale ensemble, membres de CKRL. On n'est pas, pas regardant là-dessus. On n'est pas auto-écœurant. On ne se dérange pas. On s'écoute. Ben, vous nous écoutez. Vous nous écoutez. Vous nous connaissez. Vous nous aimez. Il y en a qui nous, vous nous aimez moins aussi. Vous nous écoutez. Ceux qui m'aiment moins ne m'écoutent pas actuellement. Ceux qui ne m'aiment pas ne m'écoutent pas. On appelle ça le cycle de la vie. Et puis donc, pourquoi pas tout le monde de CKRL, on va amener notre linge sale. On va s'acheter une laveuse, une sécheuse, tu sais, une laveuse gigantesque. Je viens de partir ça comme idée, là. Comme un peu certains, on va clignoter les lumières, clignoter les... Non, mais là, on clignotera rien. On va amener dans des sacs vos linges sales. Restez avec nous, là. On va placer des chaises. Une méga laveuse, peut-être dans le Guinness. Ça va paraître dans le Guinness. Ça sera la plus grosse laveuse. On sera obligé, sans doute. On sera obligé de construire... Pourquoi pas? De construire un endroit où l'on pourra se rendre devant notre gigantesque laveuse et notre gigantesque... On va donner des horaires. Exemple, le lundi, le mercredi, le vendredi, puis le samedi, à 13h30, de 13h30 jusqu'à 20h. Non, le soir, ça peut être intéressant, le 20h. Non, 22h. À 22h. Ça, c'est chaud, 22h. Ouh! Oh, là, je suis excité. Mais 13h30 jusqu'à 22h. Vous n'êtes pas obligé de laver toute votre linge pendant ce temps-là, là. Mais certaines personnes vont passer, vont quitter, d'autres vont venir. Puis tout le monde qui seront là à ce moment-là vont laver ensemble leur linge. On pourra discuter avant, on va mettre une table ronde pour parler quelle lessive allons-nous prendre? Quel savon à laver le linge? Grosse discussion, là. Ah, mais moi, je préfère laver à l'eau froide. Ouais, ben là, l'eau froide, c'est bien beau, l'eau froide. Ouais, je sais, pour les biodégradables, les biosynthèses, les biochimistes, puis toutes les bio qui se roulent même pas dans le fleuve, souvent, ça peut être intéressant. Oui, mais notre planète est en train de mourir. Ben oui, moi aussi, je meurs tranquillement, là. Ben oui, mais il faut passer aux autres! Arrête de passer à toi! Ouais, on va laver à l'eau tiède, tiens. Comme ça, la discussion sera presque fermée. On va laisser une petite ouverture pour d'autres suggestions, mais une petite ouverture. Si vous avez une trop grosse suggestion, elle ne pourra pas rentrer. Ah ouais, ben nous autres, les grosses, là, quand on a commencé à trouver le sens, là, on rapetisse le trou. Plus le trou est petit, moins la suggestion va rentrer. Alors, dépêchez-vous à trouver vos idées. Nos idées, ouais. Nos idées sont les vôtres. Nous, vous n'en avez pas d'idées. On n'endoctrine pas. On n'a jamais endoctriné. Mademoiselle, depuis quand on endoctrine, arrêtez de pleurer. C'est pas parce que j'ai une voix comme ça, c'est parce que j'ai tout le temps parlé comme ça. Je vais me lancer dans la chanson, mais la chanson ne veut pas me rattraper. Mais je me suis lancé dans la vente de clous. Je vendais des clous. Je cognais des clous. Tout était cloué avec moi. Tout, la discussion était clouée. Incapable de le déclouer parce que j'avais inventé le clou indéclouable. Le clou indéclouable, c'est-à-dire un peu comme une vis de Gibrac. Une vis, tu sais, c'est quoi une vis de Gibrac, ma championne? Tu vis ça dans le mur, ça s'étale à l'intérieur du mur. T'es plus capable de l'enlever. Une vis de Gibrac. Moi, c'est un clou indéclouable. Ça n'a jamais passé, ça, là où... comment t'appelles ça? Les gens qui ont des idées, là. C'est rare. Mourons pour des années, des corps, mais de volante, de corps, mais de volante. Non, mais pas aux douanes, comment t'appelles ça? C'est des gens qui... En tout cas, ça n'a pas passé, là. Ça passera pas nulle part. Et si je peux le trouver, ce serait tellement intéressant. Est-ce le moment d'une pause musicale? Non. Attendez. Oh, je me concentre. je deviens de plus en plus zen, hein? L'invention, le brevet d'invention. Un brevet d'invention. Tu vois, quand je me calme, c'est comme l'eau, hein? Ça arrête de monter, ça va descendre. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je l'ai perdu. C'est quoi? C'est un mono. Ça a passé vite, hein? Vous en souvenez, vous autres, je le sais, vous riez de moi, là. Un brevet d'invention. Ça fonctionne! Hydratons notre cerveau ensemble. Hey, vous venez des idées, là, hein? Non, non, pas l'idée de fermer votre radio. Restez là. Hey, on a une maudite bonne émission. Pas une bonne émission. Une maudite bonne émission. Une émission où tout s'embrique. Où tout est harmonie. Dans vos oreilles, dans votre esprit, dans votre cerveau. Nous sommes ici, en ce beau lundi, quelques minutes avant, après le dimanche. Pas avant, après le dimanche. Maman, hey, c'est rendu que, tu sais, quand t'es enfant, on apprend en haut, en bas, à gauche, à droite. On dirait que moi, en vieillissant, je ne sais plus si c'est à l'intérieur, intérieur, extérieur. Je ramollis de la moelle crânienne, je suis plus que moelleux. Alors, je dirais à M. Peaceberry de faire attention à lui. Je sais que je viens de nommer une marque de commerce, là. Mais je voulais le faire. Peaceberry. Arrête, agitez-vous pas du chaque fois que j'ai dit ça, là. Alors, qui voulait dire, là, nous sommes... Ah oui, hier, le 1er juillet. Dimanche 1er juillet, nous étions là, rassemblés, discutant de notre âme. Est-elle saine? Avez-vous l'âme saine? L'âme saine. Avez-vous une maudite saine? L'âme saine! Saine! L'âme saine! L'âme! L'âme. Mets de l'âme là-dedans. Il est parti. Ça, c'est le moment le plus troublant de l'émission. On dirait, hey, non, mais je me suis comme suicidé la corde vocale. Avez-vous senti? Je suis le seul animal. Je suis le seul animal à avoir trois cordes vocales, moi. Trois cordes vocales, une testicule. Un testicule. Trois cordes vocales, un testicule. Tout le monde s'imagine que c'est féminin, cette affaire-là. Pas du tout. Au moins, ma matière qui mijote, qui est en train de bouillir. Non, pas bouillir. Non, moi, j'aime bien à feu doux, hein, qui bouillotte. Hein, qui... L'eau, quand elle boue à peine, là, on dirait qu'elle rigole. Ça fait juste des petites bulles. C'est beau. C'est beaucoup mieux que quand c'est à feu vif, puis là, ça fait pouf, pouf, des grosses... Pah! Ça explose de partout. Mais là, c'est tout petit. Ça fait... Ça rit. L'eau s'amuse dans le chaudron. Oh, avec moi, ça fait un autre. Oh, que de plaisir! Et qu'est-ce que je suis en train de dire là, moi, là, que l'eau est en train d'avoir du plaisir? Pas beau avoir du plaisir au Québec, là. Même partout sur la planète. Faut souffrir. On apprend quand on souffre, pas quand on a du plaisir. Et quand je me rends compte, quand je suis conscient de mon plaisir, je sais de me faire souffrir. Donc, je me remémore mes anciennes amours. Je me remémore le début de mon année 2018. Je me remémore... On recommence. Raymond, elle, c'est la coupeuse chialeuse. Connaissez-vous ça, la coupeuse chialeuse? Non, il n'y a pas juste les arbres là, qui pleurent, là. Les sauts pleurent. Les sauts de Califourchon. Califourche-moi donc la chanson. Amène-moi donc ce trou de géant. Pourquoi entrer là-dedans? Et il y a quelques... Oui. Allô? Oui, Gertrude, c'est Raymond. C'est décousu? Ben oui, mais moi, je ne suis pas capable de recoudre tout ça, moi, là. J'ai pas acheté du fil, j'ai acheté de la laine. De la laine, pas de la laine. Oh, pas de la... Oh, mais de la laine. La... La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. La laine des moutons, c'est nous qui l'attendons. Tendons, tendons, la laine des moutaines. Tendons, tendons, la laine des moutons. Put a spell on you. Cause you're mine. Do, do, do, do, do, do, do, do. You better stop the things you do. I ain't lying. No. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. J'improvise maintenant sur 5 mots que je choisirai comme ça au hasard. Et au lieu, comme les autres semaines, vous vous souvenez, là, bon, j'ai eu des critiques, bon, ce sont des ratés sympathiques, qui m'ont balancé. Ouais, mais arrête de dire que tu viens de faire les 5 mots, là, puis continue ton histoire. C'est bon, mais à chaque fois, tu nous bloques. Alors, au lieu de vous bloquer, vous entendrez. Ça voudra dire que j'ai utilisé les 5 mots. Mais l'improvisation pour se poursuivre ira plus. Pourra, mais, ça, OK, oh, je vais choisir les 5 mots. Alors, c'est au hasard, bien sûr, sur une liste de 600 mots que j'ai imprimés il y a quelques semaines. Vous vous en souvenez, j'espère, déjà. Que j'ai entre les mains. Alors, on va prendre « attendre ». OK. Ensuite, chanter. Et puis, gros. Et pays. On va terminer avec sentir. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 mots. Attendre. Non. Attendre, chanter, pays, gros, sentir. Je dis autrement. Attendre, chanter, gros, pays, sentir. 5 mots. Puis, lorsque vous allez entendre le... Tout ça voudra dire que j'ai placer les 5 mots, mais l'improvisation pourra poursuivre. Parce que c'est moi qui décide, là. C'est moi le grand maître. Il en faut des maîtres dans la société parce qu'il y a beaucoup de moutons. Hein? Si, imaginez-vous que chaque mouton, qu'il soit petit ou gros, ça, on reconnaît le mouton, non pas à la laine, effectivement, hein, parce que c'est une laine qu'ils ont très, très serrée. Mais si le petit mouton est à côté du gros mouton, c'est lorsque on arrive à sentir la bête qu'on peut reconnaître l'exponentialité de ce quadrupède. Mais dans certains pays, c'est pas comme ça. Ils fonctionnent avec des petites baguettes, là, ils se promènent, puis c'est la nuit. Ils sont là la nuit, les bêtes se promènent, et le guetteur qui guette à peine parce qu'il n'y a pas de lumière, il fait noir, là, c'est pas en ville, là. C'est pas la belle ville. Non, détrompez-vous. Ça n'a jamais été la belle ville. Puis là, remarquez-vous que je prends mon temps pour les placer, les cinq mots. Je pourrais faire ça vite comme ça, mais c'est juste une parenthèse. On continue l'improvisation. Non, mais là, ils sont là. Vous savez qu'il y a une différence, hein? La voix change. Je rentre en transe. Hein? Quelque chose qui se passe, là. La transe, là, c'est pas donné à tout le monde de rentrer en transe. Sylvanie. Transylvaniaque, le train. En tout cas, eux autres n'ont pas le droit de transylvaniaque, là. Ils sont là, dans la noirceur la plus opaque. Et puis là, ils tâtonnent, ils disent, « Ah, mais ça, c'est un petit, ça, c'est un gros. » Puis pour être certain, quand ils sont près de la bête, ils arrivent même à chanter. Ils chantent « Bii ». Puis s'il y a de l'écho qui revient sur eux, ben ça veut dire que la bête est plus petite ou plus grosse, dépendant de la réverbération. Mais là, il faut attendre, là. Ben oui, il faut attendre. Et là, quand on attend, on est toujours récompensé. Puisque, comme disait M. Bardou, Bidou, Pitou, Tinou, Linou, Vinou, en tout cas, le chanteur d'extrême droite, là, c'est à force de chanter qu'un jour, comme disait mon ami Gilles Vigneault, on aura un pays, puis pas un petit pays là, réglo, un gros pays, et on va se sentir heureux, merci, on va se sentir heureux d'y appartenir. Parce que à force de côtoyer les gros, à force de sentir qu'il y a des attentes et surtout des gens qui arrivent à... Non, ça commence à boiter, hein? Tu sais, ça, c'est comme l'histoire du canard, le petit canard boiteux. Il se demande pourquoi il boite. Savez-vous pourquoi il boite, le petit canard boiteux? C'est pas un gros, là, c'est un tout petit. Là, c'est une histoire très triste. Comme le jeu très triste. Je le fais souvent, mais je l'aime bien celle-là. Très triste. C'est parce que, comme il est tout petit, le canard boiteux, hein? Et puis, c'est pas une grosse bête. Puis, il est dans un pays où personne ne le reconnaît. Puis, il a de la misère à sentir ses jambes. Puis là, ben, pour se donner une consistance, hein, un air d'aller, ben, il arrive quelquefois à chanter. Puis là, quand il chante, ben, il voit bien que les gens sont là. Puis ils sont là pour l'accueillir. Ben oui. Ben, je vous accueille. C'est un public en délire. Puis ce qu'ils veulent là, dans leur petit cœur, c'est l'attendre. Je voulais juste placer le mot attendre. Je dis comment je vais le conjuguer. Oh, merci. Et comment je vais le conjuguer pour que ce soit. Et puis en un mot, comme en 10. Attendre, chanter, pays, gros, sentir. Ce sont des beaux chemins. Ce sont des beaux chemins pour nous déboucher les tympans et comme ça nous faire délirer à travers la langue française que j'aime bien détruire quelquefois. Excusez-moi pour les puristes. Mon cœur est rempli de bonheur quand je suis avec toi. Et je vois dans tes yeux, et je vois que nous deux, et je crois qu'on était fait, toi et moi, pour s'aimer. Je crois bien. Non, plus d'espoir, non, non. me dois. L'amour que tu vois dans mon cœur n'est que pour toi. La voix a changé. Aujourd'hui, le lundi, bien sûr, comme toujours, ça n'a pas trop changé depuis le début de l'émission. Là, on y est. Sommes-nous encore à la même année? Ben là, voyons. Sommes-nous encore à la même journée? Ben là, voyons. Sommes-nous encore à la même heure? Ben là, voyons. Sommes-nous encore ici? Ben là, voyons. C'est décourageant. En ce lundi 2 juillet 2018, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons ça. Avez-vous entendu? Il y a comme le personnage qui est embarqué, puis après ça, Reynald a glissé là-dessous. Ça, c'est du professeur. Ça, c'est du professeur. Allez. Allez, allez, poursuis ta mission. Ta mission. Comme si j'étais un va-nu-pied. Avec une seule mélopée. Une seule visée. Ben oui, tu l'as déjà mentionné dans... C'est vrai, oui, un moment de... Ma vous expliquer ce qui c'est... On m'avait demandé de donner un peu un synopsis de mon émission. Un compte-rendu, là, une petite nouvelle, là, rapide, concise, mais efficace. Et à la fin, j'ai dit que cette émission n'avait qu'un seul but, vous divertir. Alors aujourd'hui, c'est juste ça, je voulais simplement ça. J'ai lâché les tambours et les trompettes en même temps pour simplement vous divertir. Oh, puis me divertir aussi, surtout me. Parce que si moi, je me divertis, je crois que les autres se divertissent. On vient de dire quelque chose, là. Il y a comme un court-circuit au niveau de mes deux neurones. La neurone... Ah non, les trois sacs. Qu'est-ce qu'il dit, là? En psychologie, les trois sacs. Le là, le li, loulou. Qu'est-ce qu'il dit, guidou? Non, mais le moi, le surmoi et le ça. Mais dans l'ordre, c'est le ça, le moi et le surmoi. Ça, c'est l'ordre. Ça, moi, sur moi. Je vous raconterai chaque distinction des trois, mais vous les connaissez sans doute. Aujourd'hui, le lundi, qu'est-ce qu'il dit là? Lui, il est trois sacs, ça, moi, sur moi, j'ai rien compris. Il n'est pas sur moi, je le sens pas. C'est vrai que c'est de la sonorité. Y a-t-il un poids à la sonorité? Question de bac. Y a-t-il un poids à la sonorité? Imagine-toi le jeune devant sa copie. J'ai pas étudié la matière, là. Hein? La matière était lourde et hyper lourde. Y a-t-il un poids à la sonorité? Wow! Maman! J'ai pas végété assez longtemps. Aujourd'hui, le lundi 2 juillet 2018, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. J'ai eu un blanc. Parce que je récite ça comme un poème de La Fontaine. Parce que je me suis dit avec autant... Non, mais ça fait longtemps que je fais cette émission-là.

Sur le point, on sent plus. Ah, écoute. Ben oui, d'après toi. Ok. Alors, comment ça va? Ah, c'est vrai, ben c'est ça. Oui, toi. J'ai sorti mon trou. Papi, c'est pas mal. C'est quoi que tu me. Ah, oui, oui. C'est quoi comme. Ah, la matière. Ben oui, c'est ça. Oui, oui. Ben, sans doute, hein. Oui. Pourquoi pas? Mais quand même, ça m'a coûté 25 euros. Ah oui, ben c'est du synthétique. Ah oui? Ah, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas noble, c'est pas très noble. Ben, je sais pas, après, c'est un micro, donc non, je non, sais mais c'est pas le micro, ça, c'est une housse. C'est une housse? Oui, parce que le micro est en dessous, c'est des micros croisés. Ah! Ça n'a rien à voir, ça, c'est la garniture pour ne pas faire que... Pour faire quoi? Pour la protéger? Ben, non, parce que le vent... Si j'enlève, si il n'y a pas de housse, le vent va interférer. Donc, tu vas entendre... Ah, d'accord. Donc, ça englobe le son et ça empêche la friture sonore. D'accord. Friture sonore. Sinon, tu étais quand même en pleine action lorsque je t'ai contacté tout à l'heure. Tu es toujours en pleine action? Pas du tout. OK? Non. Parce que tu habites loin. Parce que j'habite dans le sud de Paris et que j'ai pas vu le temps passer et voilà. J'étais en train de faire des choses et je me suis dit que ce serait trop... Ok, tu es toujours dans la création ou tu es toujours dans l'action? Pardon? Oui, ça tourne depuis... D'accord. Non, je suis pas toujours dans la création. Alors en fait déjà je fais deux métiers différents. Oui. Je fais des bijoux. Mm-hmm. Et je fais de l'architecture d'intérieur. Oui. Et en fait, c'est... Est-ce que c'est du design? On peut appeler ça du design. C'est du design, oui. Du design d'espace et puis du design plus d'objets, mais ça reste du volume dans les deux cas, du coup c'est assez proche. Mais qu'est-ce que tu veux dire par d'objet? Bah, un bijou, c'est un objet. Oui. Et ça reste un volume, mais c'est un volume qu'on porte. Et l'architecture intérieur, c'est un volume dans lequel on vit, en général. Ou qu'on traverse, dans lequel on passe. Mais, est-ce que tu fais aussi des entreprises ou si tu t'attardes uniquement au logement, aux appartements? En ce moment, principalement en particulier. Ouais. Après, je travaille pour le... Alors, les bijoux, c'est vraiment mon activité à mon compte. Première. Et l'architecture intérieure, je travaille pour d'autres architectes, principalement. Mais je sais que tu as travaillé, que tu as étudié dans ce milieu-là. Oui, j'ai fait... En fait, mes études principales, c'est en architecture d'intérieur et design produit, d'ailleurs. Et j'ai appris les bijoux en cours du soir depuis longtemps, comme ça, petit à petit, quoi. Mais en passant, nous sommes le lien grâce à Brigitte. C'est pour ça qu'on se rencontre. Bah, alors moi, c'est Sarah qui m'a... Sarah Destine, oui, photographe. Okay, alors oui. Brigitte, je ne sais pas qui c'est. OK, Brigitte, c'est une comédienne qui a fait affaire avec toi à un moment donné pour un bijou. Ah bon? Oui, tu te rappelles pas? Brigitte? Oui. T'as un bijou à moi? Oui. Brigitte Bouchard? Non? Moi, c'est Sarah Desti. Oui, oui, oui, Sarah Desti que je rencontre demain. D'accord. Okay. Qui m'a dit, il y a Rénald, qui est d'une radio québécoise. Oui. Qui cherche des personnes créatives pour les interroger. Dans l'univers création, oui. Mais elle m'a juste dit ça, non, Brigitte? Ah, mais Brigitte, tu la connais pas? Ah, mais peut-être que c'est son copain, grâce à l'intermédiaire de son copain. Le copain de Brigitte? Oui. Qui s'appelle? Oh, bonne question. Bonne question. Je sais pas, vous prenez quoi? Tu prends quoi? Ben, je vais attendre qu'on soit, puis je vais peut-être me diriger dans la même ligne. Je sais pas, c'est trop tôt pour boire un petit verre de... C'est toi qui décide. Est-ce qu'il y a vraiment une heure spécifique ou... Oui, c'est pour toi, oui. Bah, le midi, ça va, on mange, sauf que moi, j'ai déjà mangé. Mais okay. Ça peut être... Non, j'ai bien envie de prendre quand même un petit verre. Ok. Ça te va? Oui. Un petit verre? Oui. Un petit verre... verre de rouge, un petit verre de... Normalement, les filles sont plus près du blanc que du rouge, hein? Ouais, bah ouais, mais c'est pas toujours le cas, okay, toi. Ok, ah voilà. Moi, je vais prendre, je pense, un bourgueil. Ok. J'aime bien le mimétisme puisque je veux prendre la même chose puis je veux savoir le goût que... Ah, c'est léger. Oh, ok, parfait. Vin de Loire, en général, c'est des vins légers. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Et les bijoux, qu'est-ce qui t'a attiré vers le bijou au fur des... Parce qu'au début, tu travaillais plutôt... Non. Ah oui, c'est vrai. On va prendre deux verres de bourgueil. De bourgueil? Oui. Parce qu'il y a vraiment une différence entre l'aménagement intérieur et les bijoux, même si tu parles d'espace, tu parles de... Oui, oui. D'esthétisme aussi, parce que c'est un côté esthétique lorsque quelqu'un entre chez lui et voit l'emplacement que toi tu lui as suggéré et quelqu'un qui porte un bijou, donc c'est, tu suggères aussi quelque chose d'assez intime à quelqu'un. Ouais, c'est comme dans les deux cas, c'est à la fois assez intime et à la fois c'est ce qu'on laisse voir aux autres. Ouais, exactement. Aussi. Après, je pense que là, c'est un peu quand on y réfléchit qu'il y a un lien et qu'en soi, les bijoux, ce qui me plaît vraiment et ce qui est complètement différent de l'architecture d'intérieur, c'est que c'est de les faire, en fait. C'est de travailler la matière. C'est toucher la matière, c'est de construire. De la transformer. Et c'est ça, peut-être, qui manque en architecture d'intérieur. De construire soi-même les objets ou de faire construire des objets. Oui, bah, en tout cas, ce qui me plaît, c'est de partir d'une idée et d'arriver à quelque chose de concret en passant par toutes les phases dans les bijoux. En architecte derrière, c'est vrai aussi, on part d'une idée pour arriver sur du concret, mais déjà, il y a quand même une base qui est beaucoup plus réelle parce qu'on part toujours d'une enveloppe, quelque chose qui existe, pour des gens qui ont une façon de vivre ou qui ont... Mais ça demande une discussion quand même avec le client. Bah tu dois l'apprivoiser, connaître un peu ce qu'il recherche et ce que toi tu peux lui apporter parce que tu as peut-être un style ou une façon de faire qui ne collera pas à tout le monde. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Ouais, c'est assez intime par ouais. Et comment tu te sens d'entrer comme ça dans l'univers de quelqu'un, même au niveau du bijou, tu veux... Alors au niveau du bijou, je vois plutôt l'inverse. Ok, vas-y. Bah je fais moi, en fait c'est intime, mais plus pour moi les bijoux. Ok, c'est plus tu quelque fais pas chose... une demande, tu fais pas de demande, tu fais pas de commande. Peu. Ok. Peut-être que là, parfois, on me demande et peut-être que ça va se faire, mais... Pour le moment, non. Pour le moment, alors, non, mais c'est ce qui me... Ben, en fait, c'est ce qui me plaît dans mes bijoux aussi. C'est de livrer quelque chose qui est juste moi, en fait, et qu'il n'y a pas d'autres contraintes. OK. Et pas donc, d'autres c'est ta création, c'est l'imaginaire que toi, tu as voulu offrir à quelqu'un qui, lui, va se sentir interpellé par ce que tu as proposé. Ouais, mais j'y pense pas du tout dans le processus ou... Ah non, non, non, non, vendre c'est mes bijoux, c'est okay. Quand même très difficile. Enfin, j'ai quand même du mal, ça va mieux. Parce que c'est des matières nobles, donc assez chères. Non, c'est plus personnellement. J'ai du mal personnellement. Okay. Au début, en tout cas, j'avais beaucoup de mal à... À te départir de ce que tu avais créé. Ouais. Oui, mais c'est ça, parce que c'est un peu comme un enfant. Tu peux pas voir partir tes enfants, donc toi, mais là, avec le temps, peut-être que tu... Oui, je me ce processus a quand même bien cheminé. Et puis, je pense que quand on veut entrer dans une vraie démarche commerciale pour pouvoir en vivre et du coup en vendre, à un moment donné, on est obligé de faire des concessions, de faire des choses qui s'inscrivent dans une mode, entre guillemets, ou dans une tendance, en tout cas, et puis qui vont quand même être portables, quoi, et plaire à des gens, même si on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut que ça plaise. Et moi, c'est un peu... en fait, les bijoux, j'arrive pas trop à faire de concessions là-dessus, à rentrer dans cette réflexion, dans la démarche. Par contre, du coup, c'est plus facile pour moi de le faire en architecture intérieure, d'avoir ce détachement-là. Okay. C'est pour ça que c'est assez complémentaire pour moi, ces deux activités. Mais c'est ça l'intérêt, c'est qu'un manque sur quelque chose et tu le complètes par l'autre. Ouais. C'est-à-dire que quand tu rentres chez quelqu'un, tu l'écoutes et tu lui offres un peu ce que tu as compris de ce qu'il recherche, ou ce qu'elle recherche. Et dans le bijou, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui recherche un bijou et qui va rentrer en communion avec ce que tu lui proposes. Est-ce, est-ce que le travail avec la matière, oh ben on va. On peut être tranquille, hein. Bon bah au 1er juillet plus vieux à Paris. Ben oui, c'est quand même. Vous avez été content d'être là avec ce. Ah ben j'ai aucun problème. Hein. Les gens sont rayonnants, donc c'est le soleil. À la note. Le vin est un peu plus relax en bouche, pas trop... Surtout à 14h. Oh, oui, c'est ça, oui. Et donc, actuellement, est-ce que tu travailles beaucoup plus sur les bijoux ou sur le travail en ce moment, le design? Sur l'architecture d'intérieur en ce moment. Et as-tu une préférence? Peux-tu pas dire non? C'est comme un enfant, tu peux pas dire je préfère le petit dernier à... Je me sens plus. Je sais pas si. Ça restera entre nous. Après, c'est très primaire comme réflexion, mais c'est juste que en fait, l'architecture d'intérieur, ça me fait vivre. Concrètement. Beaucoup plus que les bijoux. Donc, il y a aussi une réalité de. De subvenir à ses besoins. Et puis après, c'est des temps. C'est-à-dire que pendant plus de deux ans, j'ai fait moitié-moitié avec plus de bijoux. Et ça me convenait très bien. Mais c'était quand même très comme ça. Et il y a du coup à peu près un an, je suis rentrée à mi-temps dans une agence d'architecture intérieure. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a réconciliée. Enfin, j'étais pas fâchée avec l'architecture intérieure, mais disons que pour moi, je voulais pas en faire mon métier. Parce que tu trouvais les bijoux. Parce que ça m'ouvrait plus d'imaginaire, les bijoux. Depuis que je suis toute petite, c'est un peu un rêve pour moi de faire des bijoux et d'en vivre, et de venir un jour peut-être que je pourrais faire des bijoux. C'est un truc qui me travaille depuis très très très longtemps. Mais enfin, est-ce que tu t'intéressais à ce que mettait ta mère, à ce que portait ta mère comme... Elle portait beaucoup de bijoux. Ok. Ouais. Et est-ce que c'était plus commercial ou... Ce qu'elle portait? Ouais. Est-ce que c'était plus commercial? En tout cas, c'était toujours recherché. C'était pas le petit... Singulier, ouais. Hors norme. Et puis en fait, je pense qu'il y a mon premier bijou que j'ai fait et qui a eu une vraie valeur pour moi, c'est quand ma mère m'avait donné, je sais pas, je devais avoir 16 ou 17 ans, et elle m'avait donné une de ses pierres en disant bah, c'est un ami d'enfance qui me l'a offert. Il y a longtemps, je l'ai jamais monté. Tiens. Parce que tu avais déjà l'équipement, tu avais déjà l'imaginaire qui était prêt. Bah, elle m'a fait confiance. Et je prenais des cours déjà. Je commençais à prendre des cours de bijouterie et c'était un cours du soir où on venait avec un projet, le prof nous aidait à le réaliser. Et du coup, elle m'avait fait confiance en me donnant cette pierre qui n'est pas non plus une pierre précieuse, mais qui est une belle pierre, un beau quartz fumé. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est précieux, ça peut être précieux. Exactement, au niveau sentimental, et moins précieux du côté noble de... Marchand, ouais, exactement. Bien sûr. Je pense que pour elle, c'était une pierre qui était importante. Et tu le savais, donc tu voulais lui faire plaisir et lui rendre hommage. Est-ce que le fait de travailler d'une manière solitaire, contrairement à l'autre travail, qui est en communion avec les autres, est-ce que ça peut complémenter, amener en toi la créatrice, c'est quelque chose qui te rend un peu plus, qui complète davantage, c'est-à-dire que tu es une fille tu te considères comme une solitaire face à ton travail, mais quand tu dois aller vers les autres pour décorer un emplacement, ben là c'est autre chose. Donc tu dois satisfaire également la personne à qui tu proposes, parce que le bijou est déjà là, est mis au monde. Ouais. Oui, donc c'est vrai que le bijou c'est beaucoup plus solitaire et personnel. Et ça me recentre en fait quand je suis dans une période comme ça de création de bijoux. J'ai l'impression que ça me rééquilibre dans ma tête. Oui. Est-ce que c'est la matière qui vient vers toi ou c'est toi qui conçois déjà à partir de la matière? Alors c'est souvent la matière, parce que je travaille en bijoux, en tout cas depuis un moment, je travaille beaucoup une matière qui est la cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est-à-dire que c'est un peu à l'origine de ce que je fais. Ok. Alors pas que, mais en bonne partie, en fait, on a... Ok, c'est des genres d'alvéoles que tu remplis de... Ou que je travaille, ça c'est aussi des alvéoles, mais qui sont... c'est après la récolte du miel, donc c'est vraiment des alvéoles qui sont beaucoup plus irrégulières, qui ont été triées par les abeilles, que moi je récupère des ruches, mon frère est apiculteur. Mon père a des abeilles depuis assez longtemps. Et est-ce que ça reste ou si ça se dissipe avec les années? Est-ce que c'est comme brûlé? J'arrête pas de te couper. Non, vas-y. Non, en fait, c'est moulé, il n'y a plus de cire ici. Ok. OK, alors oui. Ça reste, c'est un peu comme, comme de l'or, ça bouge pas. Bah là, c'est de l'argent. OK, c'est de l'argent, oui. Non, non, mais okay. L'intérieur, là, la... Ah, à l'intérieur, la plus petite, en fait, c'est la technique de la cire perlée. Donc moi, je prends de ma cire, c'est oui. Ma maquette, okay. La cire d'abeille. OK. Que je forme pour certains bijoux, que je découpe, etc. Et ensuite, j'amène chez mon fondeur qui en fait un moule, qui fait fondre la cire, qui injecte le métal. Et voilà, et ça prend totalement la forme de la cire d'origine. Ok, je comprends très bien, mais est-ce que c'est... Es-tu une des seules à faire ça ou c'est... Ou si c'est un courant c'est un courant que l'on utilise davantage depuis quelques années? Alors, la technique de la cire perdue, là, cette technique que je viens de t'expliquer, c'est une technique qui existe depuis très très longtemps, qui est utilisée en sculpture, oui. Qui est beaucoup utilisée en bijoux. Oui. Après, de fondre de la cire d'abeille et d'utiliser le motif de la cire d'abeille pour en faire, ça c'est propre à mon travail. À ton cheminement personnel. Ouais. Après, je pense qu'on a déjà utilisé la cire d'abeille pour faire de la... mais sans en utiliser le motif. Voilà, c'est ça. Alors, que t'as mis à ton avantage ce qui te plaisait dans cette création-là. Tu t'es accaparé de certaines structures qui existaient. De la nature. Oui. Ce qui est souvent... Et toi, tu veux te maintenir en lien avec cette nature-là. Tu veux la transgresser ou la présenter à tes bijoux ou, C'est pas que je veux, c'est que en tout cas en ce moment c'est ça qui m'intéresse. Mais c'est ton père un peu qui t'en a parlé ou tu... Alors pas vraiment, non, parce qu'en plus mon frère est devenu apiculteur. En fait on s'est tous un peu intéressés aux abeilles sur le tard. Ah oui, mon frère est devenu apiculteur après que j'ai fait des bijoux à partir de cire d'abeille. Il a eu la piqueuse. Il était allergique au début. Ah oui, oh! Qui gonflait comme ça. Non, mais normalement, qui... c'est tout le temps, non? C'est tellement à force de se faire piquer, ah oui, c'est comme les vaccins, on s'immunise. Oh oui, c'est ça. Et non, en fait, on a une maison de famille dans le sud de la France. Okay. Et mon père a quelques ruches comme ça depuis, je sais pas, 10 ou 15 ans. Et donc, on fait le miel en famille un peu tous les ans, au mois d'août. Ah, nous, c'est sirop d'érable, c'est quand même pas mal. Chacun son truc. Oui, mais ça veut dire c'est sucré. Et ça vient de la nature. Et ça vient de la nature, oui. Est-ce que tout t'inspire, toi? Non, pas tout. Tu dois être critique vis-à-vis de ce que tu vois comme bijou? Oui, critique dans un sens positif, oui. Au sens large du terme. Exactement. Par, ouais. Mais le bijou, et toi, est-ce que ça vient de l'enfance parce que ta mère en portait beaucoup? Est-ce que tu examinais ce qu'elle portait? Est-ce que tu regardais la matière? Est-ce que tu vérifiais? Ou si c'est devenu, à un moment donné, à cause du cheminement académique, c'est devenu un peu comme un tic nerveux. Il y en a, hein, c'est... je me suis jamais vraiment posé cette question. Je pense que c'était plus... Alors, probablement que je regardais les bijoux de ma mère et que ça m'interpellait, mais peut-être plus dans l'association. Parce qu'avant de travailler le métal... Je suis avec des perles, hein, comme beaucoup de petites filles, hein, ouais. Rien d'exceptionnel, mais avec une ficelle de rincer les... Voilà, d'assembler des choses, de récupérer des cailloux, des coquillages. J'ai des espèces de boîtes comme ça remplies de choses que je garde depuis toute petite pour en faire. En fait, c'est plus autour du fait de faire, quoi, de fabriquer. Le côté ludique. Du côté ludique et puis... De monter, de construire, de créer, de... Ouais, de construire, de fabriquer, d'être dans le concret, dans le réel, quoi. You know it never matters. et aussi dans l'esthétique. Est-ce que, une fois que tes cours ont été faits, tu as essayé d'oublier ça pour te placer toi-même vis-à-vis la création dans une pureté non académique? Bah, en fait, j'ai pas vraiment eu d'enseignement académique. Tu m'as dit que tu as eu des cours du soir. Oui. Et j'ai eu, et je suis encore, enfin cette année, c'était des cours de gémologie, donc l'étude des pierres, mais j'ai appris des... En fait, il y a une école d'artisanat qui s'appelle l'école Boulle à Paris, qui est une école avec un bon enseignement, assez réputée, et j'ai pris, et qui propose des cours du soir dans les ateliers de l'école avec les profs de l'école, donc ça c'est super, et je les suis depuis peut-être 5 ou 6 ans. Ça m'a appris, ça m'a appris techniquement, mais en fait, je me rends compte quand je fais un bijou que j'ai pas du tout. En fait, voilà. J'ai l'enseignement, j'ai la manière de démarrer plutôt de mes études d'architecture d'intérieur où on part du concept. Okay. En tout cas, pendant les études, c'est comme ça qu'on nous l'a appris, de partir d'un concept pour ensuite développer un projet concret. Okay. Et le principe de l'artisanat, c'est justement d'apprendre des techniques, de savoir comment on travaille les matières, pour ensuite arriver à une idée ou quelque chose qu'on arrive à développer techniquement. Et moi, dans les bijoux, j'arrive pas à avoir ce mode de pensée plutôt d'artisan. J'ai plutôt un mode de pensée qui part d'un concept. Et je me pose pas au départ, je me pose pas la question de savoir comment je vais le réaliser. Okay. Donc souvent, je sais pas comment je vais faire en fait. Et okay. Alors, t'as une idée là, mais tu sais pas comment l'aboutir à. Non, et j'ai. Alors, j'ai un bagage technique, mais qui est pas académique et qui me manque, je pense. Donc, je finis par y arriver. Mais c'est souvent de la souffrance et de la souffrance. Okay. C'est une recherche vers voilà. Pour atteindre ce que tu veux. Es-tu souvent surprise ou étonnée de ce que tu avais comme idée, puis au bout du compte, ce qui aboutit? Bah, c'est comme un réalisateur où tu, okay, là-dedans, tu as ton film, mais quand tu le vois sur grand écran, ça peut être autre chose. Non. Ah non, moi, c'est justement, toujours... c'est pour ça que c'est peut-être plus dans ma souffrance. Enfin, si, bien sûr que le résultat est toujours différent de ce qu'on a dans la tête, mais parce que j'ai du mal à faire des concessions sur les deux de départ. C'est pour ça que parfois, je mets un peu de temps techniquement à résoudre. Dessines-tu? Est-ce que tu dessines souvent quand ça ne veut pas décoller? Alors, parfois, je dessine, mais c'est plus un travail en volume. Travaille quand même beaucoup plus où je fais des essais et puis je montre. Alors, je ne montre pas à tout le monde. Il y a plusieurs versions. Oui, il y a plusieurs versions. Ouais. Pour arriver à la finale, il y a combien de conceptions manquées ou selon toi manquées? Parce que c'est pas parce que toi tu crois que ce n'est pas abouti que ça l'est vraiment. Parce que tu es peut-être très très perfectionniste. Il y en a qui finiront jamais une chanson et qui vont bien la laisser. Sûr. Puis écoute, pour le commun des mortels, c'est merveilleux. Donc, en bijoux, c'est la même chose. En création, en général, c'est ça. Ce que l'on veut offrir, c'est toujours la perfection. Oui. Selon soi. Voilà, c'est très personnel. Selon notre propre jugement. Ben l'art, c'est ça. C'est selon nous, c'est pas selon nous. Ah bah oui, oui. C'est pour ça que tu rentres en communion. Quelqu'un qui voit ton bijou va rentrer en communion ou pas avec ce que tu proposes. Oui, ou alors on va. Et c'est là où c'est peut-être difficile de s'en détacher. C'est que du coup, parfois, les gens l'interprètent d'une manière qui est totalement différente. Ah oui. Mais oui. C'est là où, en fait, c'est bien l'intérêt, et que ça a réussi. C'est là l'intérêt. C'est quand chacun arrive à y voir quelque chose de personnel. À comprendre ce qui. Ouais. C'est comme une chanson, hein. Tu comprends ce que tu veux dans la métaphore. Bien sûr. Ouais. Et c'est ça, sans doute, qui te surprend à chaque fois. Bah, ce qui peut vachement me surprendre. Est-ce que les gens t'en parlent? Pour ça, en tout cas pour cette collection, c'est drôle parce que souvent les gens commencent par dire ça, c'est ah, la c'est collection 2017? Non, c'est plutôt ça. Ok. C'est marrant, on dirait des trucs d'abeilles. Ah bah oui. Et après, on peut en dire des alvéoles, des trucs d'abeilles. Oui, oui. Okay, okay. Mais ils n'imaginent pas que ce soit ça, en fait. Okay. Alors que. C'est ça. Alors que c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est des néophytes ou des gens qui connaissent le bijou, qui s'intéressent à ce que tu fais? Bah, ça peut être les deux. Alors, c'est. Après, je pense pas dans. Oui. Je sais pas, je saurais pas trop dire. Mais tu t'informes pas, tu vas pas chercher. Si, mais j'ai pas de profil type des gens qui m'achètent des bijoux. C'est plutôt l'homme pour faire plaisir à sa femme ou c'est la femme qui... Ça arrive. OK. Et quand c'est un cadeau, comment ça se passe? Est-ce que l'homme vient vers toi et dit « Écoutez, vous êtes une femme, vous allez peut-être comprendre ce qu'elle veut. » Il commence à te raconter la matière conceptuelle que la femme lui a proposée, qu'elle aimerait bien avoir, ou elle a déjà des bijoux qui ressemblent à ça. Et toi, tu dois déchiffrer tout le langage malheureusement hasardeux ou étrange qu'il te propose. Bah alors, pas vraiment, parce que comme je te disais plus tôt, je fais très peu de commandes particulières pour le moment. Donc, c'est pas comme ça. C'est plutôt les gens qui viennent. Alors, soit parce que leur femme ou leur copine leur a chuchoté que ça, ça leur plaît. Ok, ah, j'ai vu. Ou soit il y en a qui, d'eux-mêmes, parce que, en fait, ça, je fais des bijoux qui sont aussi assez volumineux et qui peuvent plaire, je pense, aussi aux hommes, parce que c'est pas des choses toutes fines comme ça, très féminines. Oui, oui, oui. Et du coup, il y a des hommes qui viennent me voir. Il y en a qui en achètent pour eux, déjà. C'est unisexe. C'est totalement unisexe. Et bon, après, j'en vends plus aux femmes. Et il y a des hommes qui. Ah oui, les femmes sont plus attirées vers les bijoux que les hommes. Ouais. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, je trouve. Ok. Et c'est une déception, je vois bien. Ouais, moi j'aime. J'adore quand un homme m'achète un bijou pour lui. Pourquoi tu. C'est lorsque tu conçois, c'est une projection vers la personne qui va l'acheter ou si tu te laisses tout à fait. Non, mais parce que je me dis que. Justement, si ça touche un... J'ai pas... Quand je fais mes bijoux, je pense plus à les faire pour une femme parce que je pense plus à les faire pour moi, de ce qui pourrait me plaire. Donc, du coup, quand je vois que ça peut toucher un homme, pour moi, c'est beaucoup plus gratifiant parce que c'est pas ma séduction. C'est un état de séduction aussi. J'ai plu à ce monsieur. Oui, ouais. Ouais. Inconsciemment, peut-être. Ouais. J'ai plu à ce monsieur et à travers moi, il a choisi un bijou. Donc, c'est un peu moi. C'est vrai, j'avais pas vu cette. C'est un peu une psychanalyse, rencontre avec vous. Je suis très freudien, j'ai habité 2 ans avec une psychologue freudienne, donc ça m'est ça, resté ça au fil des années. Oui, ouais, ouais, ça m'a imprégné à vie. Et elle aussi, je l'ai imprégné à vie, donc c'est réciproque. Donc dans le travail, il y a ce côté aussi. Dans toute création, tu veux charmer, tu veux plaire, sinon tu ne le proposes pas à personne. Tu le fais pour toi et tu l'es pas. Oui. Je pense qu'il y a cette notion-là de dire, bah tenez, c'est moi, regardez. Et si vous voulez, prenez-le, sinon. Et au moins ça, c'est honnête c'est sur ma personne. Et le matin, lorsque tu te lèves et tu choisis des vêtements et tes bijoux, comme tu es un magasin, parce que tu te promènes, hein, tu es une sorte de magasin, est-ce que tu te proposes des bijoux que les gens vont dire « Ah oui, c'est beau, qu'est-ce que c'est? » Puis là, tu commences à présenter. Non? Bah non, je suis une très mauvaise vendeuse de mes propres choses. OK, pourquoi? C'est une gêne? Oui, je pense que c'est une gêne. C'est pas du tout naturel ni confortable pour moi. Là, c'est facile pour moi d'en parler avec toi parce que voilà, j'ai juste l'impression que c'est une conversation entre deux êtres humains. Ah oui, mais je viens pour ça, donc c'est moins gênant que quelqu'un qui t'arrête. Ah oui, c'est beau, tu es dans une discussion avec un groupe et quelqu'un s'arrête et discute de ton bijou. Ah oui, mais c'est même plus conçu. Ouais, c'est assez gênant. Encore aujourd'hui ou tu essayes de... Alors j'ai du travail, mais souvent c'est mes copines qui font la promo pour moi. Oui, okay. J'ai la chance d'avoir de super copines qui portent mes bijoux. Et c'est souvent elles qui sont là à dire, ah, tu vois, c'est Alice qui l'a fait, puis machin, ou alors c'est Alice qui porte. Et... Je suis transférée. Ah oui, je suis contente que ça te fasse plaisir. Et donc c'est... copine-là qui t'annonce, qui te propose, qui te... Pour elle, c'est moins gênant parce qu'elles sont, ouais. sont loin de cette activité-là où elles ne sont que les vitrines. Ouais, de belles vitrines. Ah oui, ben oui, mais c'est ça. Ben, tu les fais aussi pour que ce soit porté. Ouais. Et ça me mais quand mes amis, quand je vois des amis ou quand je vais à une soirée et qu'il y a la copine d'un copain ou quelqu'un comme ça, quand même dans un cercle un peu moins, qui disent « Ah, mais j'ai une de tes bagues ou j'ai un de tes bijoux », c'est très touchant. Ça dépend. Ça peut être, oui, ça peut être, je sais pas, un couple qui a un enfant et qui veulent couper une pièce en deux pour faire une chambre, ou alors ça peut être des gens qui viennent d'acheter et puis qui veulent refaire, ou ça peut être. Est-ce que les gens sont exigeants? Bah, Ça dépend à quel degré. Il y a des gens qui sont plus que d'autres, mais je pense que oui, dans l'ensemble, les gens sont quand même exigeants par rapport à leur lieu de vie. Oui, oui, les gens sont. Parce que c'est un milieu de vie, donc ouais. On ne veut pas que ce soit autrement que ce que l'on veut avoir. Bah, en fait, là, oui, c'est quelque chose qu'on fait pour les autres, c'est pas quelque chose qu'on fait pour... Non, mais la personne qui te demande quelque chose, elle peut être exigeante du fait qu'elle va vivre là pendant une période X, donc ouais. c'est très personnel, mais c'est très aussi au quotidien. Donc, bien sûr, donc il faut être exigeant, je pense. Et toi, plus il y a de demandes, plus tu peux structurer quelque chose d'intéressant. Ou ça peut te bloquer, plus il y a de demandes, plus tu peux pas faire ce que tu veux. Ah bah non. Mais de toute façon, il faut lâcher, hein, à un moment donné. Qui, lui ou toi? Bah toi, en tant qu'architecte d'intérieur, à un moment donné, il faut dire bon bah ok, c'est chez vous. Enfin, faut pas le dire comme ça. Mais est-ce aux gens, que tu peux lui dire, ben écoute, c'est inconcevable? Ok. Bah oui, tu peux lui dire. En fait, tu peux conseiller en disant ça me semble plus rationnel de faire, voilà, je sais pas, faire tel espace comme ça. Okay, donc, choisir ça. Ouais. Par contre, au dernier moment, il faut que le client soit satisfait quand même. Donc c'est lui qui va y vivre. Donc à un moment donné, s'il veut que ce soit comme ça, si toi tu as dit bah je pense que ce sera mieux comme ça, bah c'est son idée ou son envie à lui qui va primer. Oh, ben oui, ben oui, parce que c'est lui qui vit. Mais ben oui. Est-ce que souvent, ce qui te prime, c'est le côté financier? Ben alors moi... T'sais, parce qu'il y a des gens qui ont des idées de grandeur, mais avec un petit portefeuille. Oui, bien sûr. Ouais. Après, là, je travaille dans une agence où c'est toujours des beaux projets où il y a assez peu de... Alors, il y a beaucoup de luxure. Oui, il y a peu de contraintes financières dans les projets. Après, oui, là, j'ai fait un petit appartement où c'était un plus petit projet, un plus petit budget. Et il faut chercher d'autres astuces. C'est une approche aussi assez différente. Mais à Paris, tous les appartements, la majorité, ils sont tellement petits. Ouais. Comment tu peux tout concevoir? Puis c'est vieillot. C'est vieillot. Bah, ça dépend. Ça dépend, hein. Je peux tout m'entendre dans des lieux qui sont ni vieillots ni petits. Okay. Mais c'est vrai que la plupart des Parisiens ouais. Vivent dans des petits espaces, mais c'est là où il faut être malin. Pour tout faire rentrer comme ça. Et le rendre heureux dans son environnement un peu plus hermétique. C'est vrai que vous avez plus de... Ah oui, j'imagine, je suis jamais allé au Québec. Oui, ah oui. Les appartements sont quand même... Les vieux appartements, je te parle pas des constructions récentes. Parce que là, on a la phobie aujourd'hui des condos. Des condos, qu'est-ce des condominiums. Tu sais quoi? Au lieu de s'acheter une maison, on s'achète des appartements que l'on construit. Et bon, c'est le propriétaire qui... Tu peux acheter un condo au même prix qu'une maison, mais tout est entretenu. Donc, tu n'as pas de gazon à faire parce qu'il n'y a pas de... Mais ils vont nettoyer le hall, ils vont nettoyer l'environnement en dehors de ton immeuble. Ah, OK. Mais ça, c'est pour des gens qui sont trop occupés. Pour s'occuper de... Ouais. Mais là, le problème, c'est que le prix du condo, c'est le même prix d'une maison. Mais là, ils s'en construisent, mais ça se vend plus maintenant. Ça, c'était vrai il y a 10 ans. Au lieu de placer ces immeubles-là pour les gens moins fortunés, les personnes âgées, parce que le bébé boomer ne travaille presque plus, hein, il a 65, 66, 67 ans, et c'est pas toujours des bourgeois, hein, c'est des gens qui en ont ramé un coup, et qui reçoivent uniquement ce que le gouvernement lui offre comme mensualité. Donc, les appartements sont quand même assez chers. D'accord. Si c'est pas en dehors du condo. Le condo est très très cher. Mais en fait, ce serait quoi comme... Puis t'es empilé, là. C'est comme une copropriété? Pardon? Tu peux devenir propriétaire de ton condo. D'accord. Ça, c'est épouvantable. C'est 200 000 $. Donc, en euros, c'est 75 000 euros. 75 000 euros, ça fait 150 000 $. Ah ben comparé à Paris, c'est pas cher. Ah non, oui, mais ça je te le dis dans le plus petit, là, un 2,5, un 2,5 pièces. Ouais, bah ouais, mais bon, pareil. Hein. Oui, bah, oui. C'est quand même beaucoup moins cher. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus des immeubles anciens, ça vient toujours d'être construit. Et puis souvent, c'était dans des endroits que les gens, à un certain moment, on s'achetait une maison pour le terrain que ça donnait à l'extérieur. Quand tu te réveilles et tu regardes au loin, ben là, tu vois du terrain. Mais là, ils ont placé, et les terrains n'étaient pas à eux, mais tu voyais quelque chose de beau. Aujourd'hui, ben, cet espace-là est malheureusement attribué au condo. Donc, ce que tu vois aujourd'hui, quand tu ouvres la fenêtre ou quand tu enlèves le volet pour regarder à l'extérieur, c'est un autre immeuble. Donc, on est devenu beaucoup plus claustrophobe de l'autre. On voit tout le temps l'autre. Mais dans la ville, tu parles? En pleine ville, oui. Oui. C'est sûr qu'en périphérie, ça, c'est autre chose. D'accord. Mais il y a beaucoup de condos qui ne se vendent pas et on continue à construire des condos. C'est stupide. Oui, c'est très stupide. Oh, donc, c'est la promotion immobilière. Oui, exactement, exactement. Et des gens qui se procurent des condos revendent après un an ou deux parce que ça leur convient pas. Et au début, c'est beau, tu es au troisième étage, tu vois au loin, mais quand on construit le condo à côté puis qu'il y a à peu près 8 étages, mais là, tu vois plus rien. Est-ce que l'échelle de la ville est beaucoup plus basse? Ben là, elle change là, c'est ce que je comprends. Le maire de la ville de Québec, je te parle juste de la ville de Québec, a légiféré sur la hauteur maximale d'un immeuble. Mais pour avoir légiféré, il faut avoir fait des immeubles plus hauts. Hein? Bon. Alors toi, tu te procures un appartement, tu t'achètes un appartement dans un condo. C'est beau parce que tu vois le Vieux-Québec, tu vois la Haute-Ville, parce que chez nous, c'est un peu comme à Lyon, ça monte. Hein? Et tu vois la Haute-Ville, tu vois des beaux espaces. Mais là, 2 ans plus tard, on te construit un condo qui fait en sorte que tu vois plus rien à part la dame d'à côté qui tricote. L'intérêt n'est plus. Et là, comment tu peux vendre ton condo quand tu as payé pour la visibilité et que la visibilité n'est plus? Voilà. C'est marrant parce que c'est pas du tout des réflexions qu'on a à Paris, parce qu'à Paris on voit toujours chez le voisin d'en face. Parce que ouais, les rues sont étroites. Oui, mais nous c'est des villes nord-américaines. Hein. Ouais, ouais. Oui, c'est une autre échelle de ville. Ouais. Ouais. Ouais, toi par exemple, ta fenêtre, tu vois. Non, comme moi ça. Je fais dans une maison. Oui, avec un jardin. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est mais en fait, c'est parce que c'est. Ah oui, c'est bon. Nous avons acheté ça, la famille entière, pour pouvoir habiter là. Moi, j'habite en bas, puis ma sœur habite en haut. Ah ouais? Et j'ai mes appartements en bas. T'as acheté avec ta sœur? Oui, c'est ça. Ben, en fait, et son mari. Donc, là, la maison est finie de payer depuis 6 mois. Félicitations. Oui, merci. Et donc, à un moment donné, j'ai été 10 ans à habiter ailleurs, mais je continue à payer. D'accord. Parce que je voyais l'éventualité que ça allait me revenir... éventuellement, mais je ne croyais pas aussi rapidement que ça. Et donc, après 10 ans, ben, je suis revenu parce que ma mère était malade, elle habitait en bas, à l'endroit que j'habite aujourd'hui. Puis on a dû l'hospitaliser parce qu'elle souffre d'Alzheimer et elle a fait une grave maladie. En fait. Et donc, je suis revenu dû au fait que je devais m'occuper de ma mère pendant 4 ans et demi. Et les appartements en bois. C'est pour ça que j'ai un studio de radio maison chez moi. Alors, c'est ta radio? Non, pas du tout. Moi, je travaille pour une radio associative. Mais comme mes horaires, j'ai un autre boulot, j'ai plusieurs boulots pour pouvoir rejoindre les deux bouts. Là, aujourd'hui, j'ai ce côté un petit peu bourgeois qui m'est arrivé depuis 6 mois. Je pourrais moins travailler. Dû au fait que la maison. Ah, bah oui, là-bas. T'as plus de. Ouais, mais bon, quand t'es parti, ben, tu veux empiler aussi. Hein? Je veux prendre la retraite à 60. J'en ai 50. Ah, t'en as 50? Oui, je sais, je parais pas. Mais je veux me rasser parce qu'on voit les poils blancs plus sur la barbe ailleurs. Mais c'est pas refait, ça. C'est pas. C'est pas encore. Non, c'est pas coloré. C'est pas encore monté. Et jamais ce sera coloré. donc. Tu t'arrêtes à 50, toi, tu les lis pas après. Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Ici, on cuit au bain-marie. Un coup, je te lave, un coup, tu m'essuies. Ici, on se botte, on se débecte et les mouettes se délectent de nos anecdotes. Au large, les barges se gondolent dans le roulis. Ici, on suit des bikinis. Les jours de grève, le sable s'ennuie. On se prélasse dans les grandes surfaces, là où se pressent les huiles et les bigorneaux. J'écume. Je m'enrhume, j'ai qu'une idée, éternuer, te retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Les barges se gondolent dans le roulis. Et si on jouit de la petite du bord de mer de mon jacuzzi, du premier jour j'ai tout gardé, puis j'ai mélangé le léger, le corset. J'ai j'ai qu'une idée, éternuer, de retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Ben, moi, j'ai arrêté à 33. Ah, ben oui. Mais je ne suis pas crucifié encore, donc ça m'aide un peu à continuer ma vie. Et puis, qu'est-ce que je disais? Moi, c'est ça. Donc, on peut ralentir, mais pourquoi le faire? Et comme j'ai un travail de nuit. Tu fais quoi d'autre alors? Je suis tout simplement commis de nuit dans une épicerie qui s'appelle chez nous un dépanneur 24 heures. C'est-à-dire que si tu as besoin de clopes, mais tu n'es pas fumeuse, ben, tu viens chez moi, dans mon entreprise, pas chez moi, parce que chez moi, je fume pas, mais tu vas dans mon entreprise et tu peux t'acheter des clopes. Tu as une voiture, tu peux aller venir mettre de l'essence. Je travaille pour l'Impérial Esso, que tu connais. Esso. Esso. Mmh. Et depuis 30 ans. Ah ouais? Ouais. Donc, je suis enraciné. Mais j'ai pas de convention. La nuit? La nuit, dans le quartier chaud de Québec. Qu'est-ce qu'un quartier chaud? Ben, c'est comme Pigalle. Ah, donc il y a du monde la nuit. Du monde hirsute. Soyons hirsute, oui, hors nord. Et donc, c'est ça. C'est sûr que la réalité nord-américaine est loin d'ici. Tu sais, quand tu me dis que les immeubles sont moi, je trouve que c'est vieillot. Moi, je reste dans une auberge de jeunesse, là, et c'est rarement rafraîchi. Hein, tu entres là-dedans et... Et tu sens les années, ça sent les années. Oui. Et l'addition. Oui, les auberges de jeunesse parisiennes, je suis jamais rentrée, mais à mon avis, ça doit pas être tout jeune. Ok, toi, tu travailles en banlieue. Et l'addition. Non. Ah si, je travaille mon petit atelier en banlieue, oui. Non, mais quand on t'appelle pour travailler sur... pour aménager un appartement, ouais. C'est pas Paris. Ça peut être Paris. Ça peut être... Mais toi, les appartements que tu visites et où tu travailles, c'est vraiment très grand, très luxueux. Récemment construit ou pas? Récemment construit. Alors là, on a travaillé sur une maison, par exemple, qui n'est pas encore construite. Ça, ça à Paris? Non, pas à Paris. OK. Parce que Paris, on ne peut pas construire à Paris. Des maisons, c'est rare. Des immeubles se construisent encore un petit peu. Mais ah oui? OK. Un tout petit peu. Là où il y a un petit peu de place. OK. Il reste encore un peu de place? Ouais, ou alors on le détruit vraiment. Ah oui, OK, pour reconstruire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare, les constructions neuves à Paris. Là, par exemple, j'avais travaillé, mais avant, juste là au bout de la rue, dans des appartements, dans oui? un complexe d'immeubles neufs, au-dessus du cimetière. Ah oui, là, Montmartre. Voilà, au-dessus du cimetière Montmartre. Oui, oui, oui. Là, il y a tout un îlot. En fait, ils refont, il y a le Grand Paris. Je ne sais pas si tu as entendu parler. En oui, gros, oui, oui, oui. Voilà, ils veulent englober la banlieue dans Paris. Et il y avait la petite ceinture qui est totalement désaffectée. Oui. Vas-y, réponds. Non, vas-y. Et en fait, petit à petit, il y a tout un programme de réhabilitation de la petite ceinture. Et donc, il y a plein de... Là, dans mon quartier, dans le 14e, ils reconstruisent des immeubles. Alors, il y avait le vieux centre de bus qu'ils ont tout détruit. Ils ont reconstruit, mais tout un îlot et tout. Et ils construisent de petit à petit sur les là où il y avait les voies. Ok. Voilà. Donc là, par exemple, dans mon quartier, il y a beaucoup de nouveaux immeubles. Mais c'est dans un programme assez long. Et là, le problème, c'est que toi, tu habites là. Et les immeubles qui vont pousser, est-ce que ça va te bloquer la vue comme chez nous? Non, parce que chez moi, j'ai déjà un immeuble en face. Ok. Donc ils peuvent pas plus la boucher. Non. J'ai à côté de chez moi, mais je suis passée à 500 mètres, ça se voit pas. Mais à Paris, les rues sont quand même assez étroites. Tout le monde n'a pas le vis-à-vis, mais moi j'ai du vis-à-vis, quoi, clairement. OK. Mais est-ce que le travail de décorateur intérieur est un travail exigeant beaucoup plus que le fait de construire, de mettre au monde un bijou? Oui, parce que la personne va te demander quelque chose. Ouais. Tandis que là, quand tu travailles les bijoux, c'est toi qui conçois le truc. Mais en fait, c'est une exigence différente parce que dans le premier cas, il y a notre propre exigence et il y a l'exigence des clients. Il y a l'exigence des entreprises et puis voilà, de tous ces gens-là. Puis ça n'engage pas que nous, ce travail-là, en fait. Ça engage aussi beaucoup d'autres gens. Donc, il faut bien le faire. Donc, c'est dans une collectivité. Dans une collectivité. On doit quand même des comptes, à mon sens, en tout cas aux autres. Enfin, est-ce que tu es noté? Noté? Oui, je veux dire, est-ce que tu as un dossier, par exemple, comme tu travailles pour une agence, est-ce que lorsque tu finis un projet, on te dit, ben écoute, on va te redonner un autre projet, ou si c'est le bouche-à-oreille, On t'a vu travailler, donc il y a quelqu'un qui veut que tu viennes restructurer son appartement. Ah non, alors ça se passe pas du tout comme ça, non? Bon, en fait, j'ai ma boss. OK, c'est ça, OK. Et puis je travaille sur les projets. C'est-à-dire que si les gens sont heureux de ton travail, c'est noté dans ton dossier, donc tu peux collaborer à la hiérarchie. Alors, c'est une toute petite agence. OK, je suis pas du tout combien, 5-6? À Paris, on est deux. OK. Et en fait, on travaille en grande partie pour une agence belge. Ils sont quatre. Donc, il n'y a pas de question de notation. Ah, je comprends. Alors, c'est tout petit. Ouais, donc, il y a beaucoup de travail. Donc, il y a pas mal de travail. OK, c'est pas mal. OK, je pensais que c'était une grosse entreprise. Alors, moi, je ne saurais pas travailler dans une grosse entreprise. Alors, tu n'as aucun stress. Je sais. Ah, bah, il y a quand même du stress. Oui, mais c'est beaucoup moins angoissant que de savoir, oui, mais là, est-ce que je vais être bien noté? Est-ce qu'on va. Ah, bah, ça doit être l'enfer. Hein. Moi, je ne suis pas très là. OK. Je serais incapable. Alors, toi, c'est ton côté. Libre de création qui te pousse à continuer dans une petite boutique comme ça, dans une petite entreprise comme ça. Oui, puis c'est toujours un peu comme ça. Oui, d'être dans un environnement, d'être un peu où il y a un système de notation, de jugement ou d'autres. Oui, ça existe. Mais on fait appel au meilleur souvent. Par rapport à... Oui, bah alors ça, moi je marche pas du tout à ça. Je m'enterre comme ça quand il y a un peu de une hiérarchie à atteindre. Concurrence. Là, il y a une hiérarchie, je veux dire, il y a des gens. Ah oui, il y a le patron, mais oui, oui. Oui, mais vous êtes là dans la création, et là, il y a le patron qui vous envoie des... Qui nous envoie des projets, puis il y a une question de transmission. À partir du moment où les gens, pour moi, sont humains et sont dans un rapport... respectueux. Ah, c'est ça qui est bien. Voilà. Le respect du créateur. Ou de n'importe qui d'ailleurs. Est-ce que tu crois que tu t'éclates autant à décorer une maison qu'à faire un bijou? Bah, plus ça va, plus je m'éclate en architecture intérieure. Parce que... Après, Je les mets pas sur le... C'est pas pareil. T'as ton rendez-vous qui arrive. Non, je sais pas. Mais moi, je l'ai dit, il faut que je regarde. Mais réponds, hein, Jean. Ok, il est à l'intérieur, c'est celui que j'ai vu tantôt. Ok, parfait. Il y a quelqu'un qui est là? Oui, mais c'est pas grave. Hey, j'ai 10 questions. Mais est-ce que t'es pressé? Tu me dis combien de temps tu as? Puis, combien de temps j'ai? Ben, j'ai dit, disons, un quart d'heure, ça ira? Non? Oui. Je peux avoir moins, hein? Max, un quart d'heure. Mais on peut partir tout de suite. Non, j'ai 10 questions de la fin. Non, faut pas partir tout de suite. Non, faut rester. Et un quart d'heure, ça suffit? Oui, facilement. Facilement, hein? Oh, oui. Je l'appellerai en partant. J'écoute. Alors, si tu étais un liquide. Un liquide Tu vois, typiquement, ça met la pression, les questions. Non, mais je réponds. Si j'étais un liquide, je serais un pastis 51. Ah oui. Mais c'est quand même assez. C'est 40 degrés. C'est pas, mais ça vient du sud. Le goût est léger quand même. Et c'est frais. Ouais, mais si tu dilues avec de l'eau. Ah, bah il faut toujours diluer avec de l'eau. Ah, mais ça dépend. Mes yeux sont dans le miroir où je les ai laissés. Je me reconnais même plus sur les photos. Je comprends pas vos questions, je comprends pas vos prisons. On fait prendre trop de cachets dans leurs cachots. Mes mains sont sur un petit cul que j'ai pas touché. Je vous dis ça comme ça, faut pas le prendre de haut. Chinerai où vous voudrez, chinerai, mais faut m'expliquer. J'ai pas bien lu le scénario. Me souviens d'une autoroute coupée en deux. J'ai pas vu le panneau, je fermais les yeux, toujours sur la ligne blanche, toujours sur la ligne blanche, toujours sur la ligne blanche, toujours sur la ligne blanche. Mes yeux sont dans le miroir où je les ai laissés. Je me reconnais même plus sur vos journaux. Comment s'appelle cet endroit? Je me suis perdu, je reconnais pas. J'ai pas bien lu le scénario. Je me souviens d'une autoroute en deux. J'ai pas vu le panneau, je fermais les yeux, toujours sur la ligne blanche, toujours sur la ligne blanche, toujours sur la ligne blanche, toujours sur la ligne blanche. Sur la ligne blanche. Ah bah non, moi je veux pas. J'étais champion près de Reims pour les vendanges il y a quelques années quand même. Et non, là-bas on voit sec. Sec. Alors, pesticide 51 dilué avec de l'eau. Ok, moitié-moitié. Non, okay. Plus d'eau que de... Ah oui, ben, ah bah okay. Oui. Mais les hommes, c'est moitié-moitié. Si tu étais une ville... Une ville? Non, pourtant, il est... Si j'étais, c'est pas... Ouais, non, non, non, si non. Je devais vivre. Si j'étais une ville... Quand t'as ma vie, avec ses changes, va avec moi. Tu pas aller une chose qui t'a avec toi. Marseille. Oh oui. Ben oui, le sud. On parlait du sud. Comme disait Nino Ferrer, c'était pourtant bien. Est-ce que tu la connais, la chanson? Pas comme ça, probablement, mais là, c'était pourtant bien. Ah, mais ça, c'est une citation de sa chanson. Ah oui. Si tu étais une langue. Une langue? Une langue de chat? Ben oui. Et une langue parlée? Bah le français, c'est très chauvant comme réponse. Non, non, j'adore ça. Pour un Québécois, c'est bien. Si tu étais une époque? T'attends les soldes. Une époque? Les années folles? 50? Ouais. Pour rencontrer Coco Chanel? Par exemple. Ah ben oui. Traîner place Vendôme avec toutes les bijouteries comme oui. Ça. Et admettons que tu peux la rencontrer. Est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais lui poser? Je m'en suis posé déjà à un moment donné parce que quand j'étais au lycée, il y avait un workshop, on appelle ça, un projet à plusieurs. En français, c'est quoi un workshop? C'est un atelier, c'est un travail à plusieurs. Ok, voilà. Un atelier de travail. Et on l'avait fait sur Coco Chanel, justement. Et si j'avais une question à lui poser? Non, ce serait pas une question, c'est peut-être juste lui montrer ou lui dire mon admiration. Pour son travail. Pour son travail. Ouais. Amener à l'époque. Et sa liberté. Oui, oui, oui. Ouais. Son audace. Son audace. Si tu étais un mot. Un mot? Ah ben, mais t'avais un mot en tête là. Oui, parce que tu m'as dit que je disais beaucoup hasard, du coup j'ai envie de dire hasard. Okay. Ah oui, si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment? Si j'étais un aliment. Je n'ai pas senti. Si j'ai senti, je dis peut-être un truc qui est bizarre. Je sais pas. Je te répondais, mais. Je sais pas si j'ai envie d'être un aliment. Ok, parce que tu veux pas être mangé. Non, voilà. Ah, ok, c'est ça. Si tu étais une saison. L'été. Ah oui. Ah ouais. Ben à Marseille, l'été, c'est merveilleux. Bah ouais. Mais partout aussi. Partout. Quand il pleut. C'est quand même mieux l'été que les autres saisons. L'hiver au Québec. Ah, j'aimerais beaucoup aller au Québec, mais alors jamais de ma vie, je vais aller là-bas. Si tu étais un membre corporel. Non, je voulais pas non plus. Les mains. Les mains. Ben oui, sinon il n'y a pas de travail. Ouais. Ouais. Donc c'est pour l'humanisme, serrer les mains. Toucher, sentir. Oui, c'est vrai. Si tu étais un bon que sentir, tu te sentir, oui, ok, la texture. Oui. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Moi, j'aime bien être présente, tu vois. Parce que bon, c'est au moins le moment où tu te Bon, alors ça c'est un truc, alors, je fume plus, mais dans l'idée où je pourrais refumer comme ça, ce serait le moment de la cigarette après avoir déjeuné le midi au soleil l'été à Marseille. Ok, mais tu fumais toujours après avoir mangé. Ouais. C'est moins nocif. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Je l'ai toujours dit, quand tu étais stressée, machin, je te disais que je l'étais toujours plus mou. Si j'étais un autre individu. Je sais pas si je serais un être humain. Okay. Peut-être autre chose. Un extraterrestre, extraterrestre. Non. Peut-être terrestre quand même. Parce que c'est sombre, non? Robotisé ou Non. Un animal? Ouais, volant, je pense. Voilà. Pas, ouais, volant. S'il vous plaît, monsieur. Oui, madame. Plus petit. Un oiseau. Ouais, plutôt un genre d'oiseau. Un moineau. Chez nous, un moineau. Est-ce que tu connais les moineaux? Ouais, il y en a plein à Paris. Ouais. Un pigeon? Non. Une tourterelle. Ça vaut quoi? Ouais. Ouais. Allez, va pour une tourterelle. Okay. On a travaillé fort là-dessus. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? professionnelle. Dans l'ensemble de ta vie, amoureuse, l'ensemble. La dernière étude. Je sais pas pour tout. Je sais pas si je ferai tout exactement pareil. Mais dans l'ensemble. C'est pas mal. Dans l'ensemble, je pense que je ferai quand même pas mal les mêmes choses. Est-ce que tu as beaucoup de. On va finir là-dessus. Est-ce que tu as beaucoup de. Donc j'y suis allée. J'avais pris rendez-vous 12h45. As-tu une actualité chargée ou tu te laisses envahir un peu par des contrats qui arriveront? T'es-tu une fille angoissée par. Mais elle s'est résorbée, elle est faire par le quotidien. Attends-tu contre le boulot ou si le boulot arrive vers toi? Là, je vais c'est quoi, c'est un kiss alors c'est un kiss. Oui, allô? C'est un kiss, hein. C'est bien, c'est. Oui. Tu sais, pour ça, mais après, il reste que la poche. Oui, j'en ai un sac. Oui, t'es arrivé, hein? En fait, je te reste que la poche. Oui, oui, tu as un sac noir. Et donc, tu as un sac noir. Elle a regardé l'autre côté, oui, elle est toujours là, l'autre. Ok. J'ai fait 4 cm. Ok. Elle est allongée. Ok, moi, écoute, j'en ai pour 2 minutes, après, puis je suis à toi, moi, je suis à l'extérieur. Elle se remplit ou elle se remplit? À ta droite, ok, merci. Salut. Dans 2 minutes, mais c'est pas grave. As-tu beaucoup de projets en Europe? Heureusement, ça m'a aidé. As-tu beaucoup de projets? Je suis pas quelqu'un qui projette plein de choses comme ça. J'ai pas un avenir tracé. Pourquoi? J'ai un peu du mal à me projeter. T'es une fille du quotidien? J'essaye d'être dans le présent. Et ça vient d'où le riz à ton nom, Alice Riz? Riondé. C'est Riondé. Riz, c'est Facebook, ouais. Ok, Riondé, c'est quoi? C'est italien? C'est français, mais des Alpes. Mais donc, comment tu l'écris? R-I-O-N-D-E-T. Okay. C'est quand même très français, mais c'est dans le Dauphiné qu'a été italien à un moment donné. Mais pourquoi tu as placé riz sur ton... Bon, je sais pas. Je saurais pas te dire. Ça fait des années que c'est comme ça. Parce que... Faut pas le mettre en entier, je sais pas pourquoi. En plus, ça te bloque la publicité. Parce que quand non, parce qu'il y a ma page, ma page Facebook s'appelle oui. Alice Riondé. Oui, ok. Mais ce qui est différent de moi, Facebook à moi. Alors, tu as plusieurs identités. J'ai une identité professionnelle et une identité personnelle. Personnelle, oui, c'est bien, ne jamais mêler les deux. C'est vrai. Dans la tu l'as déjà fait, Et ça t'a blessé un peu. Mais t'as pas à en parler, Eh bien, merci d'être passé à mon émission. Bah, merci beaucoup, c'était très agréable. Et j'aimerais bien prendre des photos pour mortaliser notre rencontre. Et d'accord. Lorsque je proposerai aux auditeurs québécois et québécoises ce que l'on a fait aujourd'hui maintenant, cette discussion très enrichissante, ben, on va voir ton visage. Ok. Ok, merci. Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé, la discorde qu'on a semée, à la surface des regrets, n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi. Les pluies acides décharnent les sapins. J'ai plus rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie,